un collègue plus ancien que moi qui m'avait entraîné pour... Mais il m'avait dit, tu sais, suffit d'ouvriers. Méfie-toi des grands patrons. C'est évident. Ils sont prêts à n'importe quoi. Je m'appelle Jean-Claude Benaudet, B-E-N-A-U-D-E-T. On n'est pas du côté des patrons. Je suis né en 1945. Et j'ai fait de longues études. C'était à la faculté des sciences, à Villeneuve-d'Ascq. Et c'était une des institutions qui fonctionnait très très bien. Entre scientifiques, des gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur telle ou telle interprétation, mais qui acceptent, très honnêtement, de parler entre eux. Nous, notre boulot, c'est d'essayer de faire de la prévention. Tenir compte du fait qu'il y a une réalité. Tout n'est pas rose dans l'entreprise, mais on va essayer d'améliorer. On va essayer d'engager des discussions sur comment faire. Nous sommes d'abord avant tout intégrés dans des filières de formation des jeunes. L'aspect didactique, c'est que des jeunes ou des personnes âgées qui refont un petit parcours, un petit cycle, quoi, nous pose des questions qui les intéressent eux. On n'est pas là pour leur faire la leçon sur « mais non, vous n'avez rien compris, les nuages c'est autre chose, ça se démonte comme un truc de domino, enfin, on peut raconter n'importe quoi à n'importe qui, mais c'est pas honnête. » Alors, pour un scientifique, être honnête, c'est la pierre de touche. On peut se tromper. Tout le monde se trompe un jour ou l'autre dans sa vie. Mais on n'est pas là pour imposer une vision du monde. On est là pour discuter avec des gens. Vous avez des difficultés, nous aussi. Qu'est-ce qui vous tracasse? Et là, on leur a posé une question et ils vont nous répondre. Se répondre à eux, quoi, entre collègues, quoi, en fait. Comment se fait-il qu'il y ait des gros accidents? Mais il y a des gens qui, véritablement, ont des inattentions qui font qu'ils laissent leurs mains sur un tréteau et puis ils sont euthanasiés, quoi, comme ça, quoi. Bon. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, c'est toujours autre chose. Quand on est patron. En gros, on accuse le serviteur, le bonhomme qui connaît son boulot depuis ses 15 ou 16 ans, mais que peut-il encore faire ou dire ou se faire comprendre? Ça, c'est parce qu'il y a des spécialistes du travail, entre autres des psychologues du travail, qui sont patients et qui vont poser les bonnes questions pour essayer de lancer une personne sur qu'est-ce qui ne te va pas dans votre boulot. Et là, il y a des choses à raconter. Parler des difficultés de la vie professionnelle, de la vie réelle, ça permet quand même aux gens de faire le point beaucoup plus précisément, plus facilement, finalement. Donc, mais poser des questions aux intéressés directs qui ont déjà eu des morts dans leur... dans leur compagnie, quoi. C'est toujours très, très, très prenant. Et ça apporte vraiment de l'information, quoi. C'est pas, on n'invente pas des trucs sur le papier. On discute avec des gens qui ont une idée assez vague au début, et puis après, qui vont se mettre en colère, pratiquement. Qu'est-ce que mourir au travail, quoi, par exemple? Les accidents du travail, c'est pire que les accidents de la route. Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'on peut y échapper. Et en réalité, non. Quand une difficulté vient sur une machine ou un truc comme ça, qu'elle est décalée ou comme ça, si on n'a pas le service technique tout de suite, dans les quelques jours qui révèlent la difficulté, quoi. On peut se poser la question pourquoi continue-t-on à utiliser telle ou telle technique qui est dangereuse? Pas pour tout le monde, pas tout le temps, etc. Mais il peut y avoir des difficultés humaines et des gens qui ont tellement l'habitude de lancer le même programme qu'à la fin, ils se rendent même plus compte qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes, pour leurs copains, quoi. Un bonhomme qui se fait arracher une main ou comme ça, ça vous marque une pensée, quoi, une réaction qu'on a en soi. On ne peut pas s'en débarrasser. Il y a des choses affreuses dans les usines. Et il y a eu une sirène d'alarme. Tout s'est arrêté. Une jeune dame, qui avait été jolie auparavant, venait de se faire arracher pratiquement un morceau de bras, etc. Ça pissait le sang partout, arrêt dans l'usine. Mais quand on a vécu ça, on l'a toujours en soi. C'était une période très triste. Très triste et très douloureuse pour, évidemment, les principaux intéressés, hein, qui allaient être foutus dehors, l'usine fermée, etc. Mais tous les petites mains autour, il y a des morts. Hein. Il y a eu des morts. Et ça, c'est pas drôle, quoi. On n'a pas le droit de rigoler avec ça.